Analyse du 10 juin 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One. La gifle sur Macron. Info ou un tox? Les gens ont la mémoire courte et ne savent même plus faire la différence entre show médiatique et réalité tangible. La gifle infligée à Macron est du même acabit que l'incident sur l'esplanade des mosquées le 22 janvier 2020, où Macron faisait son show dans un anglais approximatif, comme son mentor Jacques Chirac l'avait fait avant lui. Juste un incident pour détourner l'attention du public et faire le buzz durant une semaine. Mais pourquoi ? Détourner l'attention sur l'interdiction de l'hydroxychloroquine par décret, le 13 janvier 2020, soit une semaine auparavant. Mais pourquoi cette gifle ? Faire le buzz à nouveau. On parle de sécurité du président, de risque d'attentat d'extrême droite sur la personne du président, et on l'érige en martyr pendant que le pass nazitaire et la vaccination des enfants passent comme de la crème chantilly. Eh oui, même si cette gifle vient d'une autre tapette, qui a tout de la tronche d'un black bloc d'extrême gauche aux cheveux longs, les médias ont officialisé son appartenance à l'extrême droite. Ils ont d'ailleurs retrouvé un exemplaire de Mein Kampf chez lui, juste après sa réédition. Regardez bien les images de la baffe, des trois angles, et posez-vous la question. Pourquoi Macron se précipite-t-il directement sur ce mec ? Qui deux secondes plus tard le gifle en lui prenant le bras gauche. Pourquoi l'un des bodyguards est-il déjà derrière l'agresseur juste avant la baffe? Pourquoi les Belges courent-ils après Jürgen Koenigs, le dangereux militaire psychopathe d'extrême droite, alors que les Français arrêtent également un terroriste d'extrême droite, spécialiste de la baffe et qui passe bizarrement en jugement aujourd'hui? C'est un putain de show orchestré par l'Alliance. Et la gifleuse extrême-gauche est dans le coup. Fin de l'histoire. Merci pour votre attention. Pensez à son opinion sur Macron, mais c'était quand même pas la peine d'arriver là. Faut vraiment avoir le culot. Hein. C'est osé. C'est osé. C'est pas bien. Non. Mais c'est une pub. Vous en avez reçu beaucoup, vous? Oui, non, j'ai reçu, oui. Bien. Bah, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non. Non, c'est pas bien. Vous ne validez pas, hein ? Non, non, non, non, non, pas du tout. Je trouve inadmissible. Voilà. Parce que le président, lui, fait son travail. C'est pas à faire. Ouais. Un peu de respect quand même. Non, non, je valide pas. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il trouve qu'il n'est pas bien. Il tape pas, faut pas de méchant. Il y a 4 ans, Manuel Valls s'était giflé dans la Drôme lors d'un déplacement. Et puis, difficile d'oublier la claque donnée par François Bayrou en 2012 à un enfant à Strasbourg. Si beaucoup ne sont pas d'accord, certains approuvent la gifle donnée hier à Emmanuel Macron. Elle est justifiée. Pourquoi ? Parce que bah, il fait pas trop bien son boulot. Bah, il aurait pu tomber notre jour. Mais il a mérité sa baffe. Pourquoi ? Comme ça. Ils remettent le monde bien en place. Eh ben, s'il a mérité, c'est sûrement qu'il méritait. Hein. À force de cumuler, peut-être il y a des gens qui tiennent pas, quoi. Et ils sont obligés d'évacuer. C'est pas bien, faut pas taper les gens. Mais Macron, il mérite. Je dis Rastafari, nous ne maillons pas avec la politique.